Vendredi. Al-Jumu'ah. Al-Jumu'ah est le jour du vendredi. C'est le meilleur jour de la semaine. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Le meilleur jour sur lequel le soleil se lève est le vendredi. » En ce jour, Adam fut créé. Il entra au paradis et il en fut expulsé. L'heure se levera un vendredi. Hadith rapporté par Muslim. Allah qu'il soit glorifié ordonne aux croyants d'accomplir en ce jour la prière du Jumu'ah. Il dit « Ya ayyuhalladhina amanu, idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'aw ila dhikrillahi wa dharul bay'a. Dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. » Oh vous qui avez cru, lorsque l'appel à la prière est proclamé le jour du vendredi, accourez à l'évocation de votre Seigneur et délaissez le commerce, ceci est meilleur pour vous si vous saviez. 9e verset de la sourate le vendredi. D'après ce verset, il est clair que la prière du vendredi est une obligation individuelle, fard'ayn. Ibn al-Munzir, dans son livre Al-Ijma', affirme que les savants sont tous unanimes pour dire que la prière du vendredi est obligatoire pour toute personne adulte, libre, qui n'est pas en voyage et qui n'a pas de raison valable de ne pas y assister. L'accomplissement de la prière du vendredi a des vertus que l'on ne peut recenser. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Nul homme n'effectue le jour du vendredi les grandes ablutions, ghusl, en se purifiant le mieux possible, s'applique de l'huile sur le corps ou les cheveux, ou du parfum de la maison, puis va à la mosquée, où il s'abstient de séparer les gens, c'est-à-dire pour passer ou s'asseoir entre eux, puis accomplit ce qui lui a été destiné comme prière, et enfin écoute attentivement et silencieusement le prêche de l'imam, sans que ses péchés commis depuis le vendredi précédent ne lui soit pardonné. » Hadith rapporté par Al-Bukhari. Durant ce jour, il y a un moment où les invocations sont exaucées, sauf s'il s'agit d'une chose interdite. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a aussi dit « Quiconque effectue ses ablutions avec soin, pour ensuite aller assister à la prière du vendredi, dont il écoute le prêche, avec attention et en silence, verra ses péchés, commis d'un vendredi à l'autre, auxquels il s'ajoute 3 jours, effacés. » Hadith rapporté par Muslim. Dans une autre narration, chez Ibn Majah, il est rajouté « Aussi longtemps qu'il ne commet pas de péché majeur. » Les savants de l'islam ont expliqué que les péchés mentionnés dans ce hadith sont les petits péchés et non les péchés majeurs. S'agissant des grands péchés, il est demandé aux musulmans de se repentir sincèrement.